Le micro est ouvert, c'est à toi. Le micro, ouh, le micro ouvert, est à ouvert, à toi. Oh. Oh, oh. Voilà, envie de me souvenir, de me rappeler qu'au même moment que Hitler faisait rage en Europe, c'était la destruction, la fin des Indiens, grâce, entre autres, au père Lacombe. Comment il était venu ici avec l'unique et ferme et inébranlable intention de changer les croyances des Indiens en ses croyances à lui? Comment il était prêt à mettre tous ses dons et toute sa ruse au service de cette intention? Comment il avait appris les langues des indigènes pour les forcer à dire des choses qu'ils n'avaient jamais voulu dire? Comment, profitant cyniquement de leur crédulité et leur superstition, leur fascination pour les images et les portraits, il leur avait appris la version chrétienne de l'histoire à l'aide de longues échelles illustrées, montant de la création de l'univers à l'Apocalypse, et représentant siècle après siècle de lutte entre le bien et le mal, Luther et Mahomet et Arius, s'efforçant de tirer les gens dans le chemin de droite qui conduisait à l'enfer, tandis que des foules d'anges et de missionnaires cherchaient désespérément à les ramener dans le bon chemin, celui de gauche, destiné au ciel. Comment les Indiens avaient été forts et sains jusqu'à l'arrivée de l'homme blanc, et comment ils avaient reçu de lui le cadeau de la civilisation sous forme de petites véroles et de rougeole et de tuberculose et de scarlatine et de grippe. Et comment le père Lacombe et d'autres hommes du même tonneau s'étaient servis de leur fragilité physique pour les convertir, leur prodiguant des soins médicaux avec un altruisme ostentatoire, tout en leur racontant que ceux qui mouraient allaient en enfer, tandis que ceux qui guérissaient recevaient de Jésus une dernière chance pour faire le salut de leur âme et avaient intérêt à se convertir. Comment Albert Lacombe avait encouragé les Indiens à signer les traités numéro 6 et 7, tout en sachant que les Blancs mentaient comme ils respiraient et que de toute façon ces traités comportaient toujours des clauses rédigées dans un jargon légal d'une abstraction répugnante, permettant à Sa Majesté de reprendre toutes les terres qu'elle avait cédées à ces Indiens, chaque fois que cela lui chantait. Comment Lacombe était resté là, à regarder les Blackfeet dépérir de faim, puisque le gouvernement, convaincu qu'il ne se mettrait à l'agriculture que contraint et forcé, leur envoyait $5 par personne par mois, au lieu des 12 stipulés dans les traités. Leur envoyait maintenant qu'il n'y avait plus de peau de bison, des sacs en coton pour fabriquer leurs tentes, leur envoyer du bacon au lieu du bœuf, leur envoyer moins de farine, de moins en moins de farine, encore moins de farine cette année-ci que l'année précédente, jusqu'à ce que les adultes n'aient plus que des écureuils et des souris à se mettre sous la dent, puisque des chiens et des chevaux, puis les carcasses des bêtes qu'ils trouvaient pourrissant sur la prairie, tandis que les enfants se tordaient par terre après avoir avalé des panais sauvages toxiques. Et quand les étudiants Blackfeet, ne supportant plus de voir souffrir et mourir leur famille, se mirent à déserter l'école catholique industrielle à Hate River en 1885, ce fut encore le père Lacombe qui recommanda au gouvernement de menacer de couper leurs rations aux parents non coopératifs. Il valait mieux avoir le ventre vide et l'âme soumise au Christ que la panse pleine de viande, de bison et aucun sens de la décence. Et lorsqu'après toutes les promesses faites et bafouées et refaites et rebafouées, le Canadian Pacific Railway avait tracé son projet de ligne en plein milieu de la réserve Blackfoot et envoyé des milliers de bûcherons et d'arpenteurs escalader leurs montagnes sacrées, ce fut encore le père Lacombe qui débarqua chargé de pots de vin sous forme de sucre et de farine et de thé et de tabac, et mentit tranquillement aux 700 braves armés qui s'étaient rassemblés pour empêcher les hommes du chemin de fer d'aligner leurs rails et d'enfoncer leurs pieux. Allez, c'est parti, un micro ouvert ici en compagnie de Madame Céline Honnet. Enchantée. Moi aussi, pour Graciela. Bienvenue. Alors, on peut... Bienvenue au musée. Au musée. Au musée de la Haute Meuse préhistorique, qui est reconnue comme institution muséale depuis 2012. La province de Namur avait 8 musées reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et maintenant, nous avons rejoint ce nombre-là, et il y en a 10 actuellement. Donc depuis 2012, voilà, nous avons des portes qui s'ouvrent et des visiteurs en plus. Alors le thème de cette année ici, qui va durer jusqu'au mois d'octobre, et que le musée ouvre le mercredi après-midi et les dimanches après-midi jusqu'au 26 octobre inclus. Bon, le thème de cette année ici est un thème tout à fait qui nous tenait à cœur, parce que nous mettons à l'honneur un Dinantais qui est né en 1841, très doué pour la géologie. Je vais parler dans les détails de ses études, mais le voilà à l'âge de 23 ans, qui est chargé par l'État belge, le jeune État belge finalement, nous sommes là en 1864, chargé de mener des fouilles archéologiques dans la province de Namur, et pour découvrir l'ancienneté de l'homme, pour affirmer ça. C'était la période où il y avait toutes sortes de théories qui circulaient, les plus farfelues les unes que les autres. Donc voilà, Léopold II, c'est le règne de Léopold II, décide qu'il y aura, le gouvernement donc accorde une subvention à Édouard Dupont. Voilà notre homme, Édouard Dupont, ce jeune Dinantais qui a 23 ans. Comme il est géologue, il a été diplômé à Louvain. Eh bien, il connaît toute la région. C'est d'ailleurs lui qui a fait la première carte géologique de la région dinantaise en 1865. Donc, le Dinantais dit, moi, je connais la vallée de la Lesse et les grottes et les couches et les niveaux, etc. Je vais commencer par là. Il va explorer au total dans la région du Dinantais une 60aine de grottes. Vous m'entendez bien, 60 ans. 60, mais c'est énorme. 60 grottes sur un peu plus que 3 ans quand même, parce qu'il est revenu. Mais je vais expliquer l'histoire de sa vie avant d'arriver à cette trouvaille extraordinaire. Dont une 60aine de grottes dans la vallée de la Haute-Meuse, musée de la Haute-Meuse, vallée de la Haute-Meuse, et une bonne vingtaine en Val de l'Esse. Dans la partie basse de la Lesse, la plus basse de la Lesse, pas sur Lesse, hein, la Lesse dinantaise. Et il va mener ses fouilles pendant 3 ans. Il a reçu 10 000 francs à l'époque pour engager quelqu'un et pour véhiculer ses trouvailles, etc. Bon, alors c'est 3 ans plus tard, il a 27, un an après sa période de fouilles, il est nommé, tenez-vous bien, il est nommé directeur du musée royal de sciences naturelles de Bruxelles, celui qui va devenir en 1948 l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique, le bien connu musée de la rue Vautier à Bruxelles. Et il va y rester au poste de directeur, un homme de poigne, de caractère, d'intelligence, de volonté. Il va rester pendant 41 ans, pratiquement toute la durée, le règne, son règne et celui, le règne de Léopold II. Bon, voilà pour l'homme, avec les choses qu'il va devoir gérer en tant que directeur. Je vais citer quelques faits que j'aime bien montrer, de révéler aux enfants, parce que ça relance l'intérêt de la classe. Il a dû gérer la découverte des mammouths, des iguanes, des dinosaures à Bernissart. Et ça veut dire quoi? Engager du personnel, obtenir les fonds, faire dégager les ossements du niveau de la mine, les amener à Bruxelles, les préserver d'abord, et puis alors les remettre sur pied, les reconstituer. Enfin, c'est déjà un truc, hein. Obtenir des nouveaux bâtiments pour les mettre en valeur. Il y a aussi un mammouth de lierre qu'il a trouvé, les baleines d'Anvers, tout ça, c'est lui qui doit gérer. On voit des photos, oui, là, c'est ça le mammouth? C'est énorme, hein. c'est magnifique. C'est magnifique. Ouais. Donc là, c'est la volonté d'un homme pour que ce musée de sciences naturelles soit un musée de Belgique. Les collections étrangères ne sont là qu'à titre de comparaison. Alors ces trouvailles, pour en revenir un peu à notre dîner nantais, ces trouvailles exceptionnelles faites dans les trous de la laisse, eh bien, je vous invite à les découvrir si vous le voulez bien. Vous me suivez, c'est ici juste à côté. Nous avons sélectionné 4 trous, parce que dans le langage ici, dans les environs, on appelle ça des trous, que ce soit grotte petite, caverne impressionnante ou petite faille, etc. Ce sont des trous. Alors nous en avons sélectionné 4. Il faut dire que le matériel que vous voyez, Graziella, il vient de l'Institut des sciences naturelles, puisque Édouard en a été le directeur en 1868. C'est ça que je... Oui, ok. L'entièreté de ces trouvailles se conserve là-bas. Donc nous avons en prêt ici du matériel qui provient de 4 trous que nous avons intentionnellement valorisés parce qu'ils représentent des tranches de vie de ces hommes. Il était à la recherche des premières traces de l'homme dans notre province de Namur, en fait. Oui, de l'homme, de l'être humain, quoi. De l'être humain, c'est cela, oui. Dedans, il y a la femme aussi. Hein. On va en parler là-bas, oui, la femme. Alors, eh bien, on va commencer par cette femme-là. La voici. C'est une jeune personne, une jeune fille, qui est une pré-néandertalienne d'après l'évolution des connaissances maintenant. On peut dire que, enfin on présume fortement, qu'elle est antérieure à Néandertal. Donc c'est une pré-néandertalienne. Les traits de la morphologie des hommes de Néandertal s'est fixé il y a 120 000 ans. Il y a 120 000 ans. Donc, c'est la pré-néandertalienne. Édouard Dupont, face à cette petite caverne qui s'appelle le trou de la Nolette, il s'est dit, oh là là, c'est sévère. Ici, c'est enfin, sévère, façon de parler, c'est moi qui dis ça. C'est sévère, ça veut dire un aspect qui n'est pas engageant, qui ne représente pas peut-être un lieu de vie pour les populations nomades. Hein. Donc, c'est autre chose. Mais malgré tout, sa curiosité est là. Il fait dégager. Il trouve des ossements d'animaux, c'est classique, etc. Mais avant de commencer ses fouilles, il se dit, ben, sapristi, ça doit être un repère d'hyène ou un repère de carnassier, plutôt. C'est moi qui ajoute hyène, parce qu'en fait, c'est un repère d'hyène. Et vous avez ici, d'ailleurs, des os de mâchonnés par la hyène ou par les hyènes. Mais il se fait qu'en procédant aux fouilles, à 11 mètres de profondeur, vous imaginez ce qu'il faut dégager, faire des fois même un puits et un tunnel pour gagner du temps, pour ne pas tout déblayer. Il est tombé sur ces ossements qui sont vraiment archaïques. Vous avez la mâchoire d'une jeune personne. Donc on la voit là, voilà. Elle est juste en face de nous. Eh bien, cette mâchoire-là, c'est humain. Premièrement, il a déjà été interpellé parce qu'il y a des différences avec les mâchoires actuelles, donc de sapiens sapiens. Et il a fait examiner, il a demandé l'avis de scientifiques de son époque. Ils se sont dit, mais non, c'est quand même bel et bien une mâchoire d'être humain. Vous voyez, il n'y a pas la proéminence du menton. Nous sommes bien face à une mâchoire de Néandertalien. Bon, voilà. Alors là, nous sommes il y a 120 000 ans. Qu'est-ce qu'on sait? On ne se le fera jamais. On ne le saura jamais parce que c'est toute une étude. Il y a des fouilles qui sont faites pour essayer de trouver un élément qui n'a pas été encore découvert pour pouvoir recommencer une étude. Mais enfin bon, tout ça, on va abandonner. C'est plus du ressort d'un paléo-anthropologue de vous en parler. Mais je crois que j'avais entendu ça. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est-à-dire que quand on retrouve comme ça un vestige d'il y a très longtemps, On peut regarder la matière dont il est fait, etc., etc. On peut regarder tout, tout ça, mais qu'on peut, on peut pas dire l'année exacte de... Mais, c'est-à-dire qu'attention, il y a quand même les Néandertaliens. On peut faire des datations très, très précises. On prend pour exemple, non pas ce qui est ici exposé, mais la grosse Scladina, ou la dent d'un enfant néandertalien qui a vécu il y a 120 000 ans. Mille siècles, oui. Eh bien, elle a révélé par son ADN, ça a été la première dent à donner ses révélations au niveau mondial, l'âge exact de l'enfant au jour près. Il est mort à 8 ans X jours. Depuis cette étude-là, ils ont encore affiné et progressé dans leur connaissance, et maintenant, on peut dire même quel était le régime de l'enfant au sein, et puis alors en sevrage, etc. Donc ça parle, si ça parle. Maintenant, si du vernis a été mis dessus, ça devient difficile. Il faut vraiment trouver dans des conditions idéales. Mais alors on peut aussi faire des datations d'après les vestiges ou les éléments qui entourent la découverte. Les pollens vont parler, ça c'est indéniable. Les petits micro-organismes, les petits coquillages, etc., vont pouvoir donner une date. Je ne sais pas si ça peut se vérifier auprès d'un Néandertalien, mais c'est courant dans les époques plus proches de nous. C'est comme ça qu'on arrive à des datations de 12 000 ans, de 15 000 ans, de 20 000 ans, d'après donc, ces études de pollen notamment. On sait dire le climat, puisque les pollens vont varier suivant les espèces végétales. Bon, voilà, Notre demoiselle, notre demoiselle, on va la quitter et on va aller maintenant, en remontant l'échelle du temps, à la période. Elle, c'est donc le paléolithique moyen. Clac. On va passer au paléolithique supérieur. Et la première civilisation, si je peux dire, il s'agit des Aurignaciens. Alors là, nous trouvons les traces de leur vie à un trou qui s'appelle le trou Magritte. Tous ces trous sont de la région, évidemment. Oui, au bord de la Lesse, oui, c'est cela, oui. Celui-là, c'est en rive gauche de la Lesse, et ça, c'est en rive droite. Alors, eh bien, les Aurignaciens vivaient il y a 30 à 40 000 ans. Dupont, qui ne savait pas encore qu'on allait un jour dénommer les périodes de vie paléolithique moyen, paléolithique supérieur, néolithique, etc., donne un âge. Il dit les vestiges sont de l'âge du mammouth. Il donne cet âge-là, dans l'échelle du temps. Et puis alors, en découvrant d'autres civilisations, je ne crois pas que ce soit civilisation que je puisse dire, il va parler de l'âge du renne. Ok, alors ici, devant l'âge du mammouth, vous avez quelques outils. Dans les autres vitrines, il y a moins d'outils. Les voici ici. Ce sont des outils donc très, très anciens. Vous imaginez la vie de ces hommes pour pouvoir dépecer les gibiers, etc., pouvoir dégraisser les peaux, pour percer les peaux, pour tous les usages. Les outils de base sont, depuis le début de l'homme, ont été affinés, ont été conçus par eux depuis déjà pas mal de temps. Le tout premier outil étant bien sûr le chopping tool, le galet aménagé. Ok. Voilà. Les animaux à l'époque, à l'Aurignacien, qui sont ici valorisés par rapport à ce que Dupont, vous avez ici des choses que Dupont a sorties des grottes. Les dents de chamois, les dents de renne. Ça, c'est pour varier un peu de vitrine en vitrine, avec de l'outillage osseux aussi. Mais... Et ça veut dire quoi, plaques d'animaux consommées? Eh bien, parce que dans les fouilles, suivant les niveaux qu'il va dégager, les terrains avant d'arriver à des couches anciennes, eh bien, il va quand même trouver que les hommes se sont nourris là sur place. Ils ont amené les produits de leur chasse, ils les ont consommés là sur place. Donc ici, nous avons des restes de repas, si je peux dire. D'accord. Compris. Alors, ce qui est extraordinaire au trou Magritte, c'est la découverte faite par Dupont de ces deux petites choses. Si celle-là est particulièrement petite, il s'agit d'une statuette qui représente un être humain, une statuette anthropomorphe, en ivoire de mammouth, 4,5 cm. Dans les déblais des terres, etc., il faut vraiment être un homme exceptionnel et attentif, rigoureux, pour en sortir ça. Et il se rend compte de sa trouvaille. Il se rend compte aussi de cette autre trouvaille-ci, ce fragment d'un bois de renne. Des gravures, des petits symboles un peu bizarres là-dessus. Et il en est tellement impressionné qu'il écrit à un certain monsieur Lartet, Édouard Lartet, un Français, plus âgé que lui, mais son cher maître, comme il dit. Et il fait, voilà, vous avez sous les yeux une photocopie d'une lettre adressée à son maître, où il redessine lui-même cette petite chose que vous avez sous les yeux. Et ça fait partie aussi, au fur et à mesure qu'il progressait dans ses découvertes, il envoyait des bulletins à l'Académie royale de Bruxelles, et donc il les tenait au courant de ses découvertes ainsi, et ses dessins sont maintenant reproduits dans ses documents d'époque, donc 1860, combien ici, 66 je crois, 60. Quelque chose comme ça, 67 peut-être plus tard. Voilà, ici nous avons axé sur ça. Donc, les outils pour le trou Magritte avec les Aurignaciens, les découvertes artistiques qui y sont faites, et puis accessoirement, ça c'est pour les enfants aiment bien de voir les ossements d'animaux. Alors, eh bien, hop, on regrimpe dans l'échelle du temps, on se rapproche de nous, ma façon de parler. Entre les Aurignaciens et les Magdaléniens, il se passe un changement climatique sévère. La glaciation va arrêter la vie dans nos régions. Les couches de glace sont impressionnantes, il n'y a plus moyen de vivre. Le gibier s'en va, redescend vers le midi, je vais dire, et les hommes suivent. Comment voulez-vous tenir le coup ? Mais ils reviendront lorsque le changement climatique va se modifier peu à peu. Le gibier va remonter, les hommes derrière eux. Et les voilà arrivés au bord de l'Est, il y a 12 850 avant le présent. Alors là, la grotte, elle est magnifique. Dupont, il faut bien se rendre compte qu'elle est à moitié bouchée par tout ce qui est tombé depuis combien d'années ? Depuis 12 000, 13 000 ans. Les terreaux, les coups de vent, les feuilles qui pourrissent, etc. Il y a des couches à enlever. Mais il dit à ces hommes, on va aller voir là parce qu'elle est bien, elle est belle, elle est grande. Elle est à deux pas de la rivière, elle surplombe la rivière. Les conditions de vie sont idéales. Il y va, et effectivement, il ne s'est pas trompé. Mais il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est que quand il commence à déblayer le trou, il est impressionné par un tas, enfin il réalise qu'il y a un tas de cailloux qu'il dégage, et puis il voit que ce sont les cailloux qui sont tombés de la voûte, de la grotte. Eh bien, ça a fait fuir les populations, et en enlevant ces cailloux, il est arrivé sur la vie arrêtée, la vie des Magdaléniens arrêtée, avec le foyer, même encore une pyrite pour allumer le feu en frappant dessus avec un silex, elle est là, avec des vestiges d'animaux. Ici, nous avons sélectionné des éléments en bois d'animal ou en bois de renne, souvent. Et nous avons ici les outils en ossements, quoi, en os, qui sont déjà abordés quand même. Là, à l'Aurignacien, là, vous avez quand même un polissoir. Non, c'est pas un ébauche. Qu'est-ce que c'est ? Et aussi, je vois une boîte éprouvette avec quatre fines aiguilles. Mais ce sont des artistes. Ils prélèvent, ici, vous avez le bois de renne ramassé par Dupont, où on voit l'éclisse qui a été emportée, là. Eh bien, ils retravaillent. Et puis alors, eh bien, ils font un petit trou parce qu'ils ont tous les outils, des petits poinçons comme ça. Et alors, ça leur sert à coudre leurs vêtements. Et avec, très vraisemblablement, les crins de la queue de cheval, d'un cheval, des chevaux, puisque Édouard Dupont, en regardant la quantité d'os, ce n'est encore qu'un des plateaux qui est conservé à l'Institut, se rend compte qu'il y a beaucoup de vertèbres caudales. Donc il se dit, si il ramenait les queues dans la grotte, c'était évidemment pour, comme je trouve les aiguilles, c'est pour ça. Qu'est-ce qu'il retrouve à propos des chevaux ? C'est l'animal probablement le plus chassé ou le plus consommé par les Magdaléniens, à Chaleux. Vous voyez, le dessin a été fait par les scientifiques. Édouard Dupont a trouvé dans la grotte les vestiges des membres, des pattes avant, des pattes arrière et de la tête. Plus la queue dont je viens de parler. Ça veut dire, déduction logique par notre ami, par notre scientifique, que l'animal était abattu là où il l'avait chassé, et puis ils en ramenaient certaines parties pour la boucherie, pour leur repas. Et c'est les parties où les os contiennent de la moelle, ou bien la tête, la cervelle. Voilà, le régime alimentaire. Et ces os-ci sont des os qui ont été, j'allais dire, exploités par les Magdaléniens. Ils ont été ramassés, les voici, vous avez devant vous, vous voyez les traces où ils, les Magdaléniens ont enfoncé leur outil pour faire sauter l'os, pour en retirer la moelle. Voici le travail, là-bas. Ça, c'est génial. Mais chaleux, c'est bon, l'industrie osseuse. C'est trou de chaleur, hein, parce que le trou, oui, le trou de chaleur, oui. Et puis alors, il y a aussi, ce qui n'échappe pas à Dupont, des merveilles. Les Magdaléniens, je dis que c'est des merveilleux artistes, ils ont gravé sur des dalles d'une roche en grès, c'est des psammites, on trouve ça pas loin là-bas. Il a trouvé cette gravure d'un bœuf, d'un auroch en marche. Vous voyez la puissance de l'animal, le dessin est magnifique, et il se fait donc en gravure sur une dalle de pierre, vous voyez bien. Il ramasse aussi une rondelle. La rondelle, elle est restée depuis les fouilles de Dupont jusqu'en 1997-98, sans qu'on sache ce qu'il y avait sur cette rondelle. Et c'est parce qu'elle est en ivoire de mammouth. Et à Traigne, il y avait une exposition sur le mammouth, l'âge du mammouth, quoi. Et là, les scientifiques ont réalisé qu'il y avait une gravure. Et c'est la première gravure d'un mammouth découverte chez nous. Hein. Là, voilà, voyez l'agrandissement là. Et au travers de la loupe, vous pouvez voir les traits du mammouth sur cette rondelle perforée. Donc, ça devait être soit une amulette ou un élément d'un attribut ou l'autre. Enfin, il y avait le trou là au milieu pour être enfilé, probablement. Et puis, alors, il y avait d'autres plaquettes aussi, avec un cerf qui a l'air d'être aux abois. Il a les naseaux dilatés, là. Et puis, alors, il y a un petit capridé qui est couché. Enfin, voilà. Tu es ça, un petit capridé? Oui, ici, là. Voilà, voilà. C'est une petite chevrette, quoi. Hein. Oui. Et ça, c'est l'art des Magdaléniens que Dupont a trouvé et qu'il n'est pas passé à côté. C'est l'art, mais ça, c'est nous qui le voyons aujourd'hui de nos yeux. Mais à l'époque, c'était... allez, comment on dirait ça? C'est de la communication, quoi. C'est de la spiritualité, peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, on en fait une œuvre artistique, mais à l'époque, c'était... Je veux dire que c'est un artiste qui a dessiné cela. Oui, oui, c'est quelqu'un qui sait... Oui, d'accord. Qu'est-ce que... Ça représentait quoi? Vous savez, nous n'avons pas de grotte peinte, mais nous avons peut-être dû au climat trop humide et qu'on ne trouve plus les vestiges, peut-être qu'on trouvera un jour. Mais je n'ai pas suivi en fait votre raisonnement là, par rapport à quoi vous dites ça. Ici, nous avons des gravures sur la pierre. Ici, là, oui, là, oui, maintenant, d'accord. Oui. D'accord, mais en Belgique, parce qu'il y en a de l'autre côté de la Meuse, on en a trouvé aussi plus loin vers la France aussi. Donc c'est typiquement magdalénien, vais-je dire, n'est-ce pas? Cette époque-là. De cette époque-là, oui. Mais peut-être un jour trouverons-nous, quelqu'un va trouver une grotte chez nous qui va être ornée de peinture. Et personnellement, je me dis peut-être que le climat chez nous ne permet pas la conservation de ces peintures. Donc, ils ont gravé, je ne sais pas. Ils devaient peut-être partir avec leur dalle, mais c'est assez lourd. Hein. Celle-là, elle est immense. Hein. Il y a des plus petites, bien sûr, mais celle-là, on l'avons eue une fois ici. C'est des kilos. Donc, ça devait décorer leur habitat. Je ne sais pas. Oui, ou raconter quelque chose. Raconter en tout cas, c'est sûr, raconter quelque chose. Ça, c'est sûr. Ah oui. Peut-être l'habileté de l'homme ou bien le respect pour l'animal. C'est une force de la nature, hein, cette bête-là. Vous voyez un peu quelle puissance il dégage. Oui, c'est pas de la vache blanc-bleue. Il n'était pas à l'étable, celui-là. Alors, toujours une civilisation magdalénienne à un autre endroit. Ça s'appelle le trou du frontal. Le trou n'avait pas de nom. C'est Dupont qui, en procédant au premier dégagement, trouve un os de front d'un enfant. Voilà, donc il lui dit, on va l'appeler trou du frontal. Les habitants n'avaient pas donné de trou. Généralement, c'est les habitants qui bâtissent les trous, les grottes. Et le trou du frontal va ici. Nous avons mis un autre assortiment d'objets, toujours les bois. Ici, c'est un radius de cheval, voyez-vous, l'utilisation de l'os animal pour en tirer des sagaies, des pointes de sagaies. Voilà la pointe de sagaie avec des stries sur le côté. Alors, pour varier un peu la présentation, nous avons demandé et obtenu des beaux objets. C'était des amateurs de belles choses. Il y a des quantités de petites coquilles qui ne viennent pas de chez nous, qui ont été amenées de France, Ils sont perforés, ils pourraient en faire des colliers, des pendentifs, etc. Nous en avons obtenu deux pour l'exposition, inutile d'en montrer 50. Et puis alors, cette belle roche, que c'est de la fluorine, comme on disait au 19e, maintenant des fluoriteux, qui a été ramassée dans leur habitat et dans d'autres lieux de vie aussi des Magdaléniens. Ils aimaient bien les pierres colorées, les pierres brillantes, etc. Et vous voyez que celle-là est percée d'un trou également. Alors, la révélation, tout comme là-bas, je vous ai montré les gravures des animaux, l'auroch, etc. Ici, c'est l'arrière-train d'un renne, d'un bœuf aussi. J'ai bégayé maintenant. Ça va, Alice, c'est pas grave. Oui, alors là, Dupont n'a pas vu ça. Il n'a pas reconnu, mais il a emporté la pierre. Et c'est en 1958, je crois qu'un certain Twisselman, un scientifique à l'Institut, a repris les pierres de Dupont, dans la collection Dupont, et il s'est rendu compte qu'il y avait les traits d'un arrière-train de Bovidé, donc, et le voilà représenté pour plus de facilité pour nos visiteurs. Voici le document d'époque, 1950, qui montre la gravure. Donc il y a un manque, elle est en deux morceaux, il manque le troisième, celui où l'animal va continuer d'être représenté, mais c'est exceptionnel, ça, c'est donc un objet authentique aussi sorti par Dupont qui n'a pas vu ce qu'il y avait sur la pierre. Bon, le trou du frontal, un grand porche, avec des traces de foyer, avec des outils, on ne met pas, hein, ok. Et puis alors, donc c'est un lieu de vie. Ils ne vivaient pas à l'intérieur des grottes systématiquement. C'est que l'endroit en question avait une voûte, un porche, vais-je dire, suffisamment haut que pour permettre d'allumer un feu. Ils trouvent les traces de foyer. Vous voyez, je vais vous montrer là plus loin, surtout on le voit encore mieux là-bas. Voilà, en pointillé, le niveau de remplissage de la grotte du frontal. Le vide, c'est là où Dupont a déblayé. Et il trouve les traces d'un foyer à la hauteur de la voûte au-dessus du foyer, il s'est estimé que les gens ont pu vivre là. Autrement, ils s'abritaient par des pots au pied d'une roche, etc. Et c'est l'intérêt du trou du frontal, c'est que, vous imaginez, ils sont en train de déblayer, et ils se rendent compte qu'il y a encore un petit trou plus loin dans le fond. Ils s'y introduisent à plat ventre, et ils se trouvent face à des squelettes, en désordre, plein de squelettes. Et ils voient aussi qu'il y avait une dalle. Venez voir ici, je vais vous la montrer, enfin, en photo. Cette dalle était ici, donc voilà nos hommes qui... Et Dupont dit, nous n'avons pas laissé à nos ouvriers, il est avec deux, trois amis scientifiques, nous avons nous-mêmes dégagé les ossements, ça les impressionne. Pourquoi que ça les impressionne? Parce que il n'y a pas de sépulture du paléolithique supérieure qui soit découverte quelque part. Et il s'est dit, moi, j'en trouve une. Enfin, il ne savait même pas, peut-être qu'il n'y en avait pas. Il s'est dit, bon, voilà le lieu de vie. Donc, ils ont mis leur défunt là-bas dans le fond de la grotte. Et c'était une erreur. C'est la seule qu'il ait commise. Il y avait la dalle qui a été basculée. Il a trouvé la dalle basculée. La voilà. Pas très grande. Et il a trouvé aussi une poterie cassée, des morceaux de poterie mélangé là au-dessus des squelettes. Ça l'a bien perturbé, la poterie. Il s'est dit, la poterie, c'est néolithique quand même. Mais peut-être ai-je trouvé, il peut s'agir de la plus ancienne des poteries de la civilisation de l'âge du renne. Parce qu'il connaît la civilisation de la faune actuelle, qu'il appelle l'âge de la pierre polie. Donc, il a déjà saisi tout ça de par son expérience de fouille dans les trous qu'il vient de faire, de visiter. Voilà, alors là, on a dit mais non, et finalement, ce n'était pas une sépulture des Magdaléniens, c'était une sépulture des hommes du Néolithique. Alors là, quand je vous dis que les Magdaléniens sont revenus parce qu'il y avait un réchauffement climatique qui permettait de remonter chez nous, le réchauffement climatique s'est bien affirmé et les hommes ont pu arrêter leur errance à la suite du gibier. Ils ont pu faire leur cabane, commencer à élever quelques espèces plus dociles et à réaliser qu'ils pouvaient aussi cultiver. Semer des graines qui allaient leur donner les premières farines. Et ils se sont installés, c'est systématique, sur les plateaux. Donc, quand les défunts de ces populations du néolithique, ben, il fallait prendre soin de ces défunts, eh bien, ils les descendaient dans les trous. Il y a beaucoup de grottes sépulcrales dans la vallée de la Meuse, et dans la vallée de la Lesse, et dans d'autres vallées. Ça, c'est vraiment très significatif de la Haute-Meuse et du bassin Mosan en général. Voilà, donc ici nous avons fait les quatre trous. La nolette avec notre néandertalienne, le trou magritte et les orignaces. On récapitule. Hein. Oui, c'est ça, c'est ce que je fais. donc notre néandertalienne, ici au début de la grande période, qui va suivre, donc nos orignaciens, les glaciations, le retour des hommes avec les magdaléniens, installés à plusieurs endroits, à plusieurs grottes, à plusieurs trous, au bord de la Lesse et ailleurs aussi en Valmosan. Et puis alors, cette ambiguïté, enfin c'est pas une ambiguïté finalement, non, l'astuce des hommes, du néolithique, de profiter des failles rocheuses, des petites grottes, pour y déposer leurs défunts. Et voilà, tiens, la reconstitution de la poterie qui a été trouvée, je vais dire, dans la grotte sépulcrale. Là, c'est à peu près tout ici. Si vous avez les visiteurs peuvent vraiment localiser d'après la carte. Voilà. Les trous, voilà, en Srem. Donc Dinan est juste à quelques kilomètres, 5 kilomètres plus loin, c'est en Srem, avec le début de la Lesse qui se jette dans la Meuse. La Lesse bien connue de tous les sportifs qui font la descente en kayak depuis Houillet. Tous les sportifs et tous les touristes. Alors, ils passent là sans savoir qu'il y a eu la vie il y a si longtemps. Et que Nodipon, mis à l'honneur, eh bien, c'est à lui que nous devons toute cette connaissance du passé de l'homme en Haute-Meuse dinantaise. Vous disiez que c'était Léopold II qui, on philosophe un peu maintenant, je vous propose. C'était Léopold II qui a donc... Il a toujours soutenu Dupont. Léopold II voulait la grandeur de la Belgique, de la science, c'est ça qui apporte les esprits, quoi, qui ouvre les esprits et qui fait reconnaître une nation. Donc quoi, vous trouvez que Léopold II, enfin, je ne connais pas bien le bonhomme, je ne connais pas non plus bien son histoire, mais... C'était ça ma question. Tiens, il a vachement aidé. Comment il s'appelle ? Édouard Dupont. Édouard Dupont, il l'a vachement soutenu et je me demande pour quel motif, pour quelle raison au bout du bout. Parce que c'était pas vraiment un Léopold II. C'est tout, la science, quoi. C'est pour la science. La Belgique a été le phare à ce moment-là, de par Dupont. Le phare de quoi, en fait ? Mais dans le monde qui n'était qu'un, le monde scientifique de l'époque, qui ça a été une première mondiale. Cette prospection, cette mission par ordre, par mandat gouvernemental accordé à Dupont, ça a été une première mondiale. Je peux vous le certifier. C'est marqué, tout, c'est comme ça. Donc la Belgique a été le premier État à dire qu'officiellement, au nom de l'État belge, du Royaume de Belgique, des fouilles allaient être menées. La Belgique est quand même un pays fabuleux pour la préhistoire et la vie de l'homme. Il y a quand même Schmerling, c'était avant le Royaume de Belgique, qui a quand même trouvé les ossements qui sont néandertaliens aussi dans les grottes à Angers, près de Liège. Mais il ne savait pas, lui, que c'était des vestiges d'enfants. Donc, l'enfant n'a pas encore la mâchoire bien typiquement plate par rapport à... OK. Mais voilà, ça a commencé par ça. Et puis, alors, il y a eu Dupont. Et puis, alors, il y a eu la découverte, quelques 10 ans avant Dupont, de l'homme de Néandertal. Commence à se poser des questions dans le monde. Vous savez, on en était encore à l'époque à imaginer que l'homme, c'était après le déluge, quoi. C'était Adam et Ève, quoi. Plus proche de nous, quand même. On parle du déluge, là, pour dire de l'homme chez nous, venu évoluer depuis Adam et Ève, quoi. Parce qu'on sait bien qu'entre Adam et Ève et le déluge, il y a quand même eu quelques générations. Donc voilà, donc la Belgique est vraiment pionnière. Et Dupont est pionnier d'exception, hein, ça c'est vrai. Puis alors après, il y aura un peu de temps après lui, il y aura la découverte des hommes de Spi, des Néandertaliens, en position une tombe, quoi. Il y a des caractéristiques pour reconnaître celui qui a été perdu, accidenté, heureusement pas mangé par les animaux, mais et celui qui a été enterré. Donc voilà, il y a deux hommes à Spi. D'ailleurs, il y a un beau musée à aller questionner aussi là-bas, les l'équipe qui est sur place, un magnifique musée qui vient de s'ouvrir, un centre d'interprétation. Et un centre d'interprétation, c'est pas mal dit, je trouve. C'est-à-dire que là, il y a une volonté de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ou des politiques locaux aussi, de faire un musée interactif. Ici, je vous montre, je peux vous expliquer puisque vous me posez les questions, mais toutes les étiquettes peuvent renseigner, les panneaux didactiques aussi, tandis que là, on va actionner les manettes, les boutons, et on va avancer avec les méthodes tout à fait actuelles pour rendre la découverte plus vivante, peut-être, plus attractive, quoi. Ou plus compréhensible. Une communication, quoi, voilà. Je pose la question, j'ai la réponse, j'en veux plus, eh bien, je questionne et j'avance comme ça. C'est magnifique. En tout cas, ça me fait réfléchir, hein, parce que je vous crois, mais je suis sceptique toujours un peu à la base, hein, mais je vous crois. En Léopold II, donc, ça a été le premier à l'échelle mondiale de mettre... Le gouvernement sous Léopold II, oui. Oui. Il n'y a pas eu avant, ailleurs, vous êtes sûre? Ben oui. Absolument. Les fouilles étaient faites soit par des médecins, des curés, des prêtres, hein, ou par des universités, les premières universités. Mais ici, c'est un État qui dit on met autant d'argent pour savoir les origines de l'homme chez nous. Et c'était pile, vraiment exceptionnel. Et pourquoi savoir les origines de l'homme? Parce que la science a avancé, tiens. C'est tout. Oui, mais la science, c'est une étude de quelque chose. Mais je repose ma question. Pourquoi? Je sais que c'est une question un peu énorme, ce que je dis. Hein. Moi, j'ai mes réponses aussi, mais savoir d'où on vient, c'est un peu ça aussi. Il fallait établir l'ancienneté de l'homme. Je pourrais prendre tes documents, parce que là, ça déborde un petit peu. J'ai lu tout ça pour faire le catalogue. Mais je vous assure qu'il y avait toutes sortes de théories à l'époque et qu'il fallait quand même... se mettre d'accord, je peux aller chercher le catalogue et vous faire une petite lecture si vous le voulez. Hein. Allez, ça, ce serait chouette ça. Okay. Mais la Belgique est un État ambitieux aussi. Hein. Attends, j'ai essayé de trouver. À l'époque Aujourd'hui encore, vous croyez? Oui, ben. Pour donner les fonds de la communauté française, pour faire tourner le musée comme celui de, donc, comme l'Institut des sciences naturelles, les autres, etc. Il faut le vouloir, hein. La culture est souvent... Enfin, les gens disent que la culture, c'est le parent pauvre dans les budgets. Je vois bien que l'intérêt est toujours là. Hein. On ne sait pas faire autrement. Attends. Hein. Ça, je suis déjà à les formations, parce qu'il était géologue. Ici, on parle du cadre. Je vais faire la préface, non? Il faut que je retrouve... Ça tourne encore, là. Vous pourriez peut-être arrêter. Oui, ça, oui, vous inquiétez pas. C'est parce que... Hein. Oui. Les géologues... Les géologiques... Les formations, les premières recherches belges en matière de préhistoire. Schmerling, le pionnier, 1829-1833. Dupont, c'est en 40. Hein. Et ça, c'est les premières fouilles. Oui. Et voilà, avant. Donc ça, personne ne s'intéresse à ça. Il faut que ce médecin aille soigner quelqu'un et que voit que l'enfant joue avec un os pour prendre le sang en main et dit « Mais d'où tu as eu ça ?» Et c'est parti. Il va grimper sur les parois à risque de se casser le dos et il va découvrir donc les premiers restes. Et ça interpelle. Pourquoi que ça interpelle? Parce que c'est mêlé avec des ossements d'animaux de la faune éteinte. Il a des gros os en face de lui. Qu'est-ce que c'est? C'est de quoi? Donc il faut déjà être un savant complet pour pouvoir dire c'est très ancien, l'homme est très ancien. C'était ça qui n'était pas accepté. Alors, oui, l'homme n'est pas arrivé comme ça avec la femme par soucoupe volante, bien que. Voilà. En Égypte, vous êtes un peu intéressé aux pyramides d'Égypte? Non, je suis à fond avec Dupont pour l'instant. Avant lui, c'était avec d'autres préhistoriques. Cuvier, voilà, l'ancienneté de l'homme par la communauté. Donc, Cuvier est un chef de file, n'est pas prêt à admettre l'existence d'une humanité pré-adamique. Ben oui, vous aviez raison avec Adam. Il reste fidèle aux écrits de l'Ancien Testament et aux dogmes de l'Église catholique. Ben voilà, c'est ça qui se passe, en fait, c'est la science contre... La menace et l'Église réagit. Il y a une œuvre monumentale pour essayer de convaincre tout le monde, mais ils acceptent quand même qu'on pourrait évoluer dans les connaissances. Alors, le terrain, c'est seulement à partir de 1860... que Sir Charles Lyell, L-Y-E-2-L-E. Oui. Non, deux L, pas de E. Pas de E, oui. À partir de 1860 et la publication du livre intitulé « L'ancienneté de l'homme prouvée par la géologie » par Sir Charles Lyell, que la communauté scientifique commence à admettre l'existence d'une préhistoire de l'humanité. Ah, c'est génial, mais évidemment, on l'oublie ça aujourd'hui, voilà. On se demande. Alors, qui va venir ? Va venir Antoine Sprink. Et alors là, vous allez revenir une autre interview, parce que le Antoine Sprink, c'est l'homme, un professeur à l'Université de Liège, qui vient en 1842 appeler par... Je déborde de Dupont ici. Appeler par un... C'est après Dupont, quoi. Ah non, c'est avant. Ah oui, je croyais que c'était avant. Il est né en 41, Dupont. Il était au berceau quand il y a un jeune scientifique, un professeur de l'Université de Liège, qui est appelé à Godine, parce que dans une petite grotte, les ouvriers qui mettaient de l'explosif pour exploiter un gisement d'une carrière de marbre, ben, ils mettaient les explosifs là, dans ce qu'ils appelaient l'isolois, le saloir. Il y avait des eaux humaines, on avait tout le respect. Donc ça a été la première grotte à bénéficier de recherches par un scientifique, mais venu de l'appeler par le propriétaire de la marbrerie. Et il a fait une théorie extraordinaire, vous reviendrez pour que je vous en parle. Il a dit qu'à Chauveau, il se trouvait, ça s'appelle Chauveau l'endroit, à Chauveau, il se trouvait face au reste d'un festin de cannibales. Je vous assure. Énorme. Alors voilà, on en est là, on ne sait pas encore quelle est l'ancienneté de l'homme, mais voilà maintenant que celui-là, il dit qu'il y avait des cannibales. Bon, et Dupont, par l'expérience de ses fouilles dans la Lesse et dans la région, émettra poliment, appuiera une hypothèse formulée par un certain Soreil, à la même époque, 1872. Dupont, avec son expérience des trous de la Lesse et des autres trous, dira non, il s'agit d'un tombeau, quoi. D'une sépulture. Paf. Godine a été la première grotte à avoir été dégagée. Voilà. Puisque avant lui, donc, Schmerling, il trouve les hommes, il ne dégage pas, il emporte, il reporte chez lui, il étudie, il les classe, il essaye d'avancer dans ses connaissances. Il est mort assez jeune, c'est bien dommage pour la science. Voilà. C'est OK. J'adore comment vous dites ça, vous êtes génial. Mais oui. Voilà, tiens, Schmerling. Je regarde. Ouais. Voilà, à Angers, avec un collaborateur du musée où nous sommes allés sur les traces de Schmerling. Mais il faut souligner que la région ici, elle est incroyable. Hein. Il y a plein de vallées, il y a plein de falaises, il y a plein de forêts. C'est quand même un coin magnifique. Hein. C'est un coin magnifique qui est resté sauvage assez longtemps. Dupont dit que pendant les fouilles, sur le chemin qu'il devait emprunter pour aller de Dinan jusqu'à Furfaux, celui longeait la Lesse. Les gens, ils ne connaissaient pas ça, ils allaient parler dessus, par les campagnes, comme les agriculteurs. Hein. Et il dit, mais sapristi, c'est périlleux. C'est vraiment périlleux. Donc c'était encore sauvage il y a 150 ans, quoi. Sauvage, entre guillemets, ce n'était pas des sauvages, ce n'était plus des sauvages, que s'ils n'ont jamais été sauvages, qui habitaient là. C'était des gens civilisés, même en préhistoire, hein. Leur civilisation. Oui, voilà, moi je pense que le mot sauvage, pour moi, ça ne veut rien dire. Hein. Ils avaient leurs propres us et coutumes. Hein. Ça m'a échappé. Oui, mais il n'y a pas de souci. Ce sont des êtres humains avec des qualités géniales, je vais dire, pour pouvoir nous amener. Nous sommes là grâce à eux, quoi. Nous sommes leurs descendants. Moi, j'ai une petite juste anecdote à dire là-dessus, parce que je suis occupée à lire un bouquin, et c'est un peu l'histoire du Canada avec les Indiens. L'histoire un peu des Blancs qui... Enfin, les Indiens, à la base, ils étaient là. Et il y a une Indienne qui explique que quand un gars, j'ai pas retenu le nom, hein, a découvert le pôle Nord, il était accompagné de guides esquimaux. Et elle souligne, s'ils étaient guides, c'est qu'ils y avaient déjà été, eux. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, c'est le gars, le Blanc, qui a souligné qu'il avait mis les pieds pour la première fois au pôle Nord. Mais en fait, le Blanc, des fois, il répertorie, il met dans des bouquins, il a l'écriture, et voilà, c'est lui qu'on met à l'honneur. Mais les premiers humains qui ont marché au pôle Nord, c'est pas les Blancs, quoi, c'est les Esquimaux. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, Oui, et nos populations étaient très respectueuses de la nature. On pourrait maintenant engager un petit débat philosophique sur qu'est-ce que nous faisons maintenant avec nos arbres, avec nos animaux. Eux, ils n'abattaient que ce qu'ils avaient besoin d'abattre. Oui, oui, c'est une leçon écologique énorme. Et vous, madame, pour, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Quand je dis quoi, ce n'est pas un objet, hein, mais comment ça se fait que ça vous intéresse tout ça? C'est quoi un peu votre petite histoire? Écoutez, lorsque j'ai parlé, avant l'enregistrement, du passé ici du centre culturel La Vieille Ferme, je vous ai dit que c'était une seigneurie, hein, 1623, une seigneurie hautaine, foncière. Et ça veut dire? Bon, tirer les revenus pour le seigneur. Hein, ok. Bien. Alors, ce bien a été acheté par la commune en 1959, une première phase de restauration. Et puis nous arrivons à la deuxième phase de restauration. C'était au moment de la fusion des communes. Donc les autorités communales ont demandé qu'une ASBL gère ce bien nouvellement restauré. Et le patrimoine de Godin, c'est l'ASBL, c'est le nom de l'ASBL, a pris en charge. Et d'emblée, le dernier bourgmestre de Godin m'a dit « Céline, il y a des vestiges de la préhistoire que tu dois absolument pouvoir réunir en contactant un tel et un tel et essaye que ça reste chez nous. » Je m'y suis engagée, madame, et je l'ai fait. Voilà. Mais comment ça se fait que vous, ça vous intéresse depuis quand, en fait, tout ça? C'est le contact avec des gens au charisme incroyable. Celui qui s'intéresse à la préhistoire, il a une façon de le dire, de vous le faire sentir, de communiquer ses connaissances et de vous faire évoluer. Et puis alors, si ça vous... Moi, c'était d'abord répondre à l'engagement que... Enfin, poursuivre, réaliser l'engagement que j'avais promis. Mais de toute façon, ça m'intéresse fortement. Et puis, ça n'a jamais cessé de m'intéresser. Donc maintenant, je suis la conservatrice du musée. Eh bien, enchantée. Et bien, moi de même, Graziella. Je ne pense qu'à la vie du musée. Il est reconnu comme institution muséale. Il doit pouvoir conserver ce titre-là. Dans 2 ans maintenant, nous allons avoir de nouveau les examinateurs. Donc, il nous faut du public. Donc, je dis, venez visiter le musée. L'entrée est gratuite. Alors là, la philosophie, là, voilà, tiens. Nous ne faisons pas payer l'entrée aux visiteurs parce que nos visiteurs, premièrement, c'est du patrimoine. Au départ, c'était le patrimoine le plus ancien de l'entité d'Ivoire, commençant donc par nos cannibales là-bas. Donc, on ne va pas faire payer pour que les gens viennent voir leur histoire, hein, avant eux, donc les nouveaux venus découvrir ça. Mais alors, maintenant, donc, les visiteurs, ça vient d'un peu plus loin, et de plus en plus. Bon, alors le visiteur, ce n'est pas un consommateur, il ne paye pas pour entrer comme il va payer au restaurant. C'est un acteur, et c'est grâce à lui, enfin on compte sur eux, sur les visiteurs, pour que ce musée soit un gage pour l'avenir, quoi. C'est ça, c'est la notion, et j'espère que les gens comprennent ça. Allez, c'est facile de dire 2 euros, 3 euros, et le petit tour, au revoir, non. Il y a un climat ici, je pense, que quand ceux qui viennent au centre culturel, premièrement, sont sensibles à l'ancienneté de l'endroit, enfin, à son passé. Hein, c'est une ferme avec des murs d'enceinte, etc. Ça impressionne déjà. Et puis alors, le musée aménagé dans ces quelques mètres carrés, parce qu'on attend une extension, mais ça, c'est un autre débat. Les murs sont en pierre, c'est un peu comme s'ils entraient dans les grottes, trouvez-vous pas? Voilà. Oui, c'est vrai. Ok. Eh bien, merci beaucoup, Graciela. C'est un grand plaisir pour moi de débobiner tout cela pour vos auditeurs. Et revenez quand vous voulez. Je peux vous parler de bien d'autres sujets.